Chapitre 17e, Bianca. Cependant, il surgit un incident avant l'arrivée d'Armand dans la grotte. La comtesse, impatientée de le revoir, craignant que le fulminante ne le retint point, la comtesse, irritée d'avoir tant attendu, impatiente de tenir sa proie, vint surveiller la conduite de son allié. On l'amena au fulminante un soir, et en la voyant, il fut surpris de la perfection avec laquelle elle s'était déguisée en paysanne italienne. Ses cheveux d'un blond roux, son teint bruni, de signes admirablement placés, tout un ensemble de petits artifices de détail, rendaient la comtesse méconnaissable en la laissant charmante. « Mes compliments, signora, » lui dit le fulminante, « vous êtes à ravir. »« Échangé, » fit-elle. « Oh, absolument. »« Avez-vous de ces nouvelles ? Il n'est pas loin d'ici. Depuis 24 heures, il se heurte au poste établi contre moi. Les Bersagliers ne le laissent pas passer. » Ne vous a-t-il pas demandé à venir? Il est prévenu que je ne veux pas le recevoir. S'il persiste, je suis libre de tout engagement avec lui et je vous le livre. Merci, dit-elle. Voulez-vous que je vous présente votre père? Oh oui, fit-elle en riant. J'oubliais que j'ai ici un père. Cascario, appela le fulminante. Le vieux bandit se présenta. Capitaine, lui dit le chef de la montagne, ne vous est-il pas souvent arrivé d'aimer à tort et à travers dans le cours de votre existence? Bel Dio, je l'avoue, fit le vieillard. J'ai promené mon cœur un peu partout en Italie. Eh bien, mon cher, il résulte de ces escapades-là que l'on est père de bien jolies filles sans s'en douter le moins du monde. Diavolo, fit Cascario en regardant la comtesse de travers. Il la prenait pour une paysanne. Est-ce que vous ne trouvez pas cette jeune fille jolie, capitaine? Elle est charmante, mais... Ne seriez-vous pas fier de la nommer votre fille et de la reconnaître comme telle? Sans doute, mais enfin, Cascario, qu'est-ce que cela vous coûterait d'avoir un bon mouvement? S'il ne m'en coûte rien, dit Cascario, d'un air défiant, et si cette belle enfant ne réclame pas de dot, on pourrait s'entendre. Le fulminante et la comtesse se mirent à rire des craintes de Cascario. Vois donc, vieux coquin, comme tu es heureux. Ta fille est riche. Ah hein, fit Cascario, dont les yeux s'illuminèrent. Voilà qui me plaît fort. C'est singulier combien un mot peut ouvrir l'entendement et faire revenir la mémoire. Il semble que je reconnais dans les traits de cette belle fille ceux d'une femme que j'ai adorée il y a 25 ans. Excellent Cascario, dit le fulminante. Comment se nommait cette personne? C'était une transtévérine, une superbe romaine. Elle s'appelait Teverina de son nom de famille et Bianca de son prénom. Va pour Bianca et pour Teverina. Et le fulminante, s'adressant à la comtesse, lui dit en riant « Vous vous souviendrez de ces noms-là, n'est-ce pas, petite ?»« Oui, signor, » dit la comtesse, en jouant des doigts avec sa jupe, comme une fille du peuple embarrassée devant un personnage. « Et comment appellera-t-on la fille ?» demanda le fulminante. « Je serais heureux de l'appeler Eleonora, » dit Cascario. « J'aime ce nom-là. »« Soit, » dit la comtesse. Puis à Cascario, « Il s'agit de jouer notre rôle sérieusement. Vous me tutoierez. » « Naturellement, » dit le bandit. « Moi, par respect pour votre grand nom et pour votre âge, je vous dirai vous. Très bien. Vous raconterez aux autres brigands que je suis venu ici par ordre du fulminante, qui, trouvant qu'une seule femme de chambre ne suffisait pas, ayant la zinzinetta ici, vous a engagé à faire venir une de vos nombreuses filles que vous m'avez choisie. Très bien. C'est plaisir d'avoir des filles qui parlent d'une façon si déliée, » dit Cascario. « Maintenant, papa, » reprit la comtesse, « présentez-moi à vos camarades. Si vous êtes un père consciencieux, je veux vous laisser bon souvenir de moi quand je partirai d'ici. »« Mille grâces, cher enfant. » En offrant son bras à la comtesse, il la promena dans la grotte. « Hola, Grimaldi, Ferrugino, Pensiere, » disait-il, « venez un peu ici. Celle-ci est ma fille. Salue ces sacripants, petite, ce sont les camarades de ton père. » »« Vous savez, mes gaillards, que je casse la tête à qui manquera de respect à Eleonora. Elle n'a qu'une maîtresse, ici, la Zinzinetta dont elle devient chambrière. Toi, Vinzenzini, je te charge d'aider Eleonora pour la grosse besogne. On peut te laisser auprès des dames, vu ton accident. Et si tu voulais te vendre au sultan, il te payera cher pour la garde du harem. » Et tous les bandits de rire. On rencontra M. Le Noël revenant de la pêche. Cascario, chapeau à la main, l'arrêta. « Permettez, Excellence, dit-il, que je vous présente ce bel échantillon d'un sexe enchanteur que vous adorez puisqu'il vous a conduit ici. Maintenant que notre chef vous a enlevé la Zinzinetta, je suis certain que vous allez avoir des yeux pour cet enfant-là. C'est un morceau de prince. Salut, petite, la comtesse fit la révérence. Je vous dirai que c'est ma fille, dit Cascario. Si vous alliez lui faire la cour, je me fâcherais. À moins, bien entendu, que vous ne la dotiez. Auquel cas, mon devoir de père serait de fermer les yeux. Comme je ne pourrais même pas payer ma rançon, dit Monsieur le Noël, je ne me permettrai pas de fantaisies aussi coûteuses. Et il salua. Il est furieux, dit Cascario en riant. Il a cru longtemps qu'il finirait par obtenir les faveurs de la Zinzinetta, et voilà qu'elle s'est donnée au Fulminante. Il ne m'a pas reconnu, fit la comtesse. Vous le connaissez donc? Oui, dit-elle, l'autre non plus ne me reconnaîtra pas. Quel autre? Le jeune homme qui doit venir. Je suis curieux de le voir, celui-là. On en dit le plus grand bien, c'est un colosse. Vous savez qu'il faudra fermer les yeux pour celui-là, dit la comtesse en souriant. Ah, vous, je veux dire, tu en tiens pour lui, chère petite. Oui, dit-elle. La grotte va donc se transformer en nid d'amour, fit Cascario. Tant mieux, j'aime cela. Je ne suis pas un vieux grognard, moi. J'aime la jeunesse, le bruit, les chansons. En ce moment, un messager arrivait. Le Fulminante est-il ici? Demanda-t-il à Cascario. Que viens-tu lui annoncer? Questionna le vieux capitaine. L'arrivée du jeune Français, prisonnier du Galli. Par les cornes de Satan, ce Galli a de la chance, s'écria Cascario. Il arrêta l'oncle, puis le neveu. Quelle part de rançon il aura? S'il paye, dit la comtesse. Ah, fit Cascario, il y a anguille sous roche, du mystère, de l'intrigue. Bravo, bravissimo. Je te quitte, petite. Il faut que j'instruise le capitaine de ce qui se passe. Le Fulminante, prévenu de l'arrivée d'Armand, renvoya Zinzinetta et il ordonna que le prisonnier lui fût amené dans son cabinet. Une demi-heure après, Armand entrait, accompagné de Galli et de Cascario. « Laissez-nous, » dit le Fulminante à ces derniers qui se retirèrent.